Vous êtes à l'écoute de Cosmic Cassette, l'émission pas chère et infidèle. Quand on aime s'entourer des objets qui vous rappellent des amis, des moments, des ambiances, quand l'argent fait défaut et que la platine prend la poussière, les malins l'ont compris, il s'agit de dealers plus légers et les accros ont suivi, les cassettes plein les poches en sortant du concert. De quoi laisser filer les après-midi entre les deux enceintes. Pour les autres, il y a la drogue et Cosmic Cassette. CQ, CQ, this is W9GFO. Is anybody out there? Cosmic Cassette, Cosmic Cassette. All aboard, all aboard. Clear the track, here I go. Would you prefer to be the A side or the B side of a cassette tape? You know, it's been a long time since I've listened to a cassette tape. I definitely comprehend, but it seems like when it comes right down to it, the A side usually contained the radio plays, the stuff that everyone heard, and the B side contained the real music. On écoute Fléau avec le titre éponyme. Paru chez Anywave. C'était Fléau, paru chez Anywave à Paris, et c'est un groupe de Bordeaux. C'est sorti en 2015 et j'ai acheté la cassette Balade Sonore à Paris il y a 2 semaines. Tout de suite c'est Beach in Bajas avec Sign Spiners. un groupe de Chicago là, que j'ai vu en concert à Grande Zéro à Lyon il y a deux jours. Et la cassette est parue chez Drag City à Chicago. En fait, c'est Bichine Bajas, mais c'est aussi le groupe. En fait, c'est Bichine Bajas avec, en même temps, quoi, le groupe Natural Information Society. C'est paru sur la cassette Automaginary. Well, what can I do to tell you about it? This thing is so killer, it's even got a micro, tiny, miniature tape counter right there on the side. Can you see that? Can you see that? It's there. Very much so. Batteries look very good. In my device, we'll see if it is capable of doing the job. Don't job. How about full range music? Full range. Mono or stereo? Mono. Mono. Cosmic cassette. Cosmic cassette. Salsa avec le titre Maracuja, c'est paru chez Modem, c'est un groupe de Lyon et le label je crois que c'est de Francfort. Je les ai vus en concert au Périscope à Lyon il y a genre un mois et demi. Thank you. c'était salsa, et maintenant on écoute Nus Lux avec un extrait de la face A, je crois. Voilà, de la cassette Nux, Nus Lux, un projet de Rupe Eronen, un mec de Helsinki. C'est une cassette qui est parue en 2013, que j'ai acheté au Festival of d'Angoulême en 2013 aussi, et sur le stand de Papier Gâché. Juste après le jingle, on écoutera Présent Parfait avec le titre Le Covoiturage. Présent Parfait, un groupe de Strasbourg, paru chez India Dreaded Records à Strasbourg aussi, sur la cassette Omar m'a tué, que j'ai acheté quand Présent Parfait est passé à Lyon, à la Triperie, en octobre. Verbosity, select tab 1 of 5. Cosmic Cassette. We'll be right back. Thanks. On écoute Francis avec le titre Francis. C'est une auto-édition et aussi une édition du Vilain Chien. C'est un groupe de Montréal et la cassette s'appelle Outi Tota et j'ai chopé à Expédition en septembre 2015 à Lyon. Et c'est qu'un extrait de la face, enfin du morceau en fait. C'est bien chelou, c'est Hildrash avec le titre, enfin entre guillemets, Walla Léo, paru chez La République des Granges, Poil Records et Fougère. de Dordogne, je pense qu'ils sont, je crois, d'après ce que j'ai bien compris. Et la cassette, c'est Les Cassettes Roses. J'ai acheté ça à Grande Zéro à Lyon, concert de France Sauvage, enfin il y a deux jours. C'est présenté comme étant musique et chant du peuple Osmonde. Avec le morceau Australian Open, et oui, c'est un fan de tennis, et c'est paru chez Modem de Francfort en 2015. Voilà, et j'ai acheté ça à son concert au Périscope en septembre dernier. Thank you. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Cosmic Cassette. Welcome, Kmart shoppers. Our pharmacy staff has a great deal of education and experience. They will be pleased to answer any and all of your health-related questions. Prescription, non-prescription, generic substitutes, natural vitamins. We welcome your interest and we thank you for shopping our Kmart pharmacy. Tout de suite, on écoute Beauty Camp avec la chanson Bonne Pioche, paru chez AB Records en 2015. Cosmic Cassette n'est pas sponsorisé par une pharmacie ni par une marque de café. Retrouvez les émissions un jeudi par mois sur Radio Octopus, ainsi que sur Mixcloud, chez Nuevo Mundo Radio Pictures. Is there anyone there that can open the door? I'm out here. So, you did ever see that best part, buddy? Huh? You did ever see the best part, buddy?